silent tears full of pride in a world made of steel, made of stone. Where I hear the music, close my eyes, feel the rhythm, wrap around. Bonsoir. Et bonsoir. Et bonsoir. Et bienvenue dans Kamban Ouragan en direct sur Radio Dio 89.5. On est le mardi 21 octobre, il est un peu plus de 21h. Et ce soir, on avait envie de faire une émission pour vous donner de la force. Et oui, le monde autour de nous n'est pas très réjouissant, on peut même dire qu'il nous file carrément la nausée. Le capitalisme n'est toujours pas mort, loin de là. Les discours racistes, islamophobes et antisémites s'enchaînent un peu partout. Des personnes continuent de mourir aux frontières et notamment en mer Méditerranée. On n'a pas encore réussi à abolir ni les prisons, ni la police, ni la justice. Les violences sexistes et sexuelles perdurent. La transphobie et l'homophobie continuent aussi de tuer. On pourrait encore en rajouter des tonnes. Et nous, les pétés du casque dans tout ça, eh bien on continue de se battre avec nos bugs dans la tête, nos angoisses, nos faiblesses, nos addictions. Mais malgré tout, on arrive encore à se donner de la force ensemble et à construire des moments de solidarité qui nous donnent envie de continuer de lutter. Et c'est toujours bon de se le rappeler. Alors ce soir, pour vous partager ce qui nous a donné de la force ces derniers temps, on est plein dans les studios, on a même des invités en technique et sur le plateau. Et on va commencer par écouter le dernier épisode de Chronique Amère, le podcast du réseau Alarmphone, où il est justement question d'expériences et d'histoires qui ont pu donner de la force aux activistes du réseau ces derniers temps. Bonne écoute. Bonne écoute. Alarmphone, hello. Hello, my friend. This is what you meant, Alarmphone. Hello, my friend. This is Alarmphone. How are you, my friend? I hear you. Can you hear me? Hello, my friend. Okay, can you give me your GPS position? Can you give me your GPS position? Chronique amère. Chronique amère. Chronique amère. Une chronique mensuelle réalisée par des membres du réseau Alarmphone. Freedom, I don't meet him. Where's your freedom? Can you hear me? Give me your GPS position. Okay, I call you back. What kind of boat what are you on? What do you see around you? Can you give me your GPS position? How many are you position? On the boat? I hear you. Can you hear me? Okay, I call you back. I will call you back. Let me try calling again, because right now I can't hear anything. La Méditerranée est devenue un cimetière. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le racisme et le colonialisme tuent. Parce qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant. 147 personnes par an. 34 personnes par semaine. Près de 5 personnes par jour. Et bien bien plus dont on ne sait rien. Parce que des histoires existent derrière les chiffres. Parce que ces histoires doivent être racontées. Parce qu'on veut continuer à lutter. Parce qu'on ne veut pas oublier. Parce qu'on ne veut pas s'habituer. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Parce qu'on savait. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Amère, une émission où on parle depuis l'Alarmphone. Alarmphone, c'est un réseau activiste qui lutte pour la liberté de circulation avec les personnes qui se déplacent et contre les systèmes de frontières et leurs conséquences. Dans l'Alarmphone, on fait beaucoup de choses différentes. Certaines font de la prévention en mer pour les gens qui partent, d'autres tentent d'identifier les corps des disparus. Certains cherchent des sous pour que les personnes qui traversent aient accès à des hébergements dans les lieux de départ. D'autres font le lien avec des amis et des familles qui cherchent leurs proches. Certaines écrivent des rapports, d'autres font de la traduction. Certains rédigent des tweets pour scandaliser l'opinion. D'autres organisent des manifestations et des actions de commémoration. Certaines font du travail juridique. D'autres cherchent des outils pour qu'on prenne soin de nous dans ce gros merdier. Certains font plein de choses, et beaucoup d'autres encore. Certaines organisent des rencontres, des meetings comme on dit, pour nous retrouver tous les 6 mois, échanger et prendre nos décisions collectivement. D'autres encore prennent des permanences téléphoniques toute l'année, appelées shift dans notre jargon. Et on ne sait jamais si on dit un shift ou une shift. Pour que la ligne téléphonique d'Alarmphone soit joignable 24 heures sur 24, comme c'est le cas depuis 7 ans maintenant, on s'inscrit sur un calendrier. Les permanences durent 8 heures, 4 heures ou 6 heures, selon les capacités de chacune. Et on est au moins 2 personnes sur chaque créneau. Quand on ne peut pas être physiquement 2 dans le même espace, on s'organise avec une personne à distance, avec qui on communique pendant toute la shift, et avec qui on pourra se diviser les tâches et se soutenir. Pour cet épisode de rentrée, on avait besoin et envie de se raconter pourquoi on fait partie d'Alarmphone et quelles sont nos sources d'énergie pour faire ce travail-là. Alors pour cette émission, on a profité de nos retrouvailles au meeting de Palerme pour enregistrer nos camarades nous raconter des histoires qu'ils et elles ont vécues et qui leur donnent la force de continuer. I've been with the Alarmphone since the beginning, since 2014, since we started doing shifts. And what I remember most, or also what I like to remember most, je suis dans l'Alarmphone depuis le début, depuis 2014, quand on a commencé à faire des permanences. Ce dont je me rappelle le mieux, ou le souvenir que je préfère, c'est l'été 2015, quand beaucoup de migrantes se sont saisies de leur liberté de mouvement et ont traversé par la mer Égée, arrivé sur les îles, puis allé très vite vers la Grèce continentale, et ensuite prenaient la route des Balkans et continué vers d'autres pays européens. Donc en 2015, l'Alarmphone est énormément appelé depuis la mer Égée. Il y avait des jours où on avait 10 ou 15 cas en même temps. And I remember especially one morning shift that I did with a friend in Berlin. Et je me rappelle d'un jour en particulier, une permanence du matin avec un ami à Berlin. On commençait à 7 heures. Alors on s'était dit, ah ouais, cool, on va faire la permanence et on prendra le petit déjeuner en même temps. Mais ensuite, il y a eu tellement de travail et on a eu tellement d'appels et de cas. Et les personnes sur les bateaux parlaient beaucoup en turc et nous en anglais avec les gardes-côtes, tout était mélangé. Et c'était très confus parce qu'on ne savait pas s'il y avait 10 cas ou 8 cas. Donc on avait posé plein de papiers sur le sol et on essayait de faire correspondre les cas. Et on était tellement occupés, mais en même temps tellement, tellement contents. Et aussi, il y avait le fait qu'à l'époque, les gens ne passaient qu'un ou 2 jours sur les îles, à Lesvos ou à Chios ou à Samos, et qu'après, ils pouvaient aller directement à Athènes, puis plus au nord, ou là où ils voulaient arriver. Donc c'était une période pleine d'espoir et très puissante, parce que les gens prenaient le pouvoir et juste traversaient la frontière. Et nous, on les soutenait dans leur voyage. Alors voilà, ce jour-là, on voulait prendre le petit déjeuner à 7 heures, mais en fin de compte, on a mangé nos croissants à 14h ou à 15h, à la fin de notre perm. Mais on était si heureuses d'avoir pu aider et soutenir tant de personnes dans leur voyage. We'll be right back. Alors, c'était mon premier shift seul. C'est-à-dire que c'était la première fois que j'étais physiquement seule dans mon salon avec ma tisane, mon ordinateur et les téléphones. And I was in Leipzig. Et j'étais à Leipzig, et c'était aussi un des premiers shifts que je faisais sans être avec une personne dans la même pièce. Parce que c'était le début du Covid, donc c'était pas possible pour moi d'être avec quelqu'un d'autre. Et je ne connaissais même pas le nom de la personne avec qui je faisais le shift. Et elle avait juste inscrit le nom de son équipe. Et on s'est parlé juste avant le début du shift. During the shift, we talked a lot and it just felt pendant le shift, on s'est beaucoup parlé et j'avais vraiment l'impression qu'on était assises l'un à côté de l'autre. Gérer des cas, notamment quand tu n'es pas assise à côté de l'autre personne, ça peut parfois être difficile parce que les gens ont des manières différentes de travailler ou alors il y a des problèmes de communication ou n'importe quoi. Mais là, ça a juste tellement bien fonctionné. Moi, je ne me rappelle pas bien de ce qui s'est passé pendant ce shift, mais je me rappelle très bien du sentiment que vraiment on travaillait ensemble et qu'on arrivait à parler avec ces bateaux, à se donner des nouvelles et que c'était vraiment très, très fluide. Et quand on a fini le shift, j'étais totalement euphorique. Je suis sortie voir des amis, d'autres personnes de l'Alarmphone à Leipzig, et je leur ai dit, je viens juste d'avoir un shift tellement, tellement, tellement chouette. Parfois, après un shift, ça peut vraiment être difficile et tu te sens... Il y a plein de merde qui se passe. Mais cette fois-ci, c'était si bien de sentir que j'étais avec quelqu'un dans cette lutte. Au meeting Alarmphone, j'étais super enthousiaste à l'idée de rencontrer cette personne. Et je la cherchais un peu et j'étais timide parce que c'était mon premier meeting. Mais j'ai essayé de trouver qui bordel était cette personne avec qui j'avais fait le shift. Et c'est très drôle parce que moi je suis allée à ce meeting en ayant vraiment envie de rencontrer la personne avec qui j'avais fait ce merveilleux shift. Et quand quelqu'un nous a dit « Non mais c'est elle, non mais c'est elle » et qu'on nous a présenté, c'était vraiment, je sais pas, c'était hyper fort quoi. Moi, l'histoire que je vais raconter, elle se passe en février 2019. Ça fait quelques mois que je suis vraiment active dans le réseau d'Alarmphone. Et c'est la première fois que je fais une shift loin de mon équipe, seule, dans une pièce, avec un camarade que je connais pas, qui est dans un pays à l'autre bout de l'Europe et je parle même pas la même langue que lui. Donc autant dire que j'emmène pas large. Et ce qui se passe aussi dans cette shift, c'est que c'est moi qui suis francophone. Et du fait de la colonisation de beaucoup de pays du continent africain par des pays francophones, il y a pas mal de personnes qui font des traversées sur les bateaux, qui répondent au téléphone ou qui appellent et qui ont besoin qu'on leur parle en français. Et donc bah là, c'est mon job dans la shift. Et quand il y a un appel d'un bateau depuis la Méditerranée de l'Ouest et que les personnes parlent français sur le bateau, bah c'est à moi de me charger de la communication et de me charger du cas. Et donc je répète que j'ai quand même grave la trouille. Mais là, je tombe sur une femme, quand je rappelle, qui est hyper calme. Et c'est elle qui décroche le téléphone et elle est super préparée. Ça, moi, c'est qu'à chaque fois que je lui demande une info, en fait, elle les a. D'où elles sont parties, à quelle heure, combien il y a de personnes sur le bateau, combien d'hommes, combien de femmes, combien d'enfants. Tout est hyper clair, tout est hyper facile. Est-ce qu'elle peut m'envoyer une position GPS? Oui, elle peut. Est-ce qu'elle peut me dire le cap qui tienne? Oui, elle peut. Elle est toujours, toujours en capacité de me répondre et elle est super... calme et je sais pas, répondante, enfin ça marche toujours quoi. On établit un plan d'appel assez rapidement pour qu'elle puisse économiser la batterie et donc on se dit qu'on va se rappeler toutes les demi-heures et à chaque fois que j'appelle, elle décroche et on est hyper efficace, on échange juste les informations dont on a besoin, on économise la batterie. Et puis à un moment, bah, j'appelle et puis c'est le dernier coup de fil, même si je le sais pas sur le moment, je lui demande comment ça va et elle me dit que bah, y a un gros bateau rouge. Et un gros bateau rouge en Méditerranée de l'Ouest, ça veut dire que c'est le Salvamento Marítimo, ce sont les secours espagnols. Et donc, bah, elles sont sauvées d'une certaine manière, elles arrivent en Europe. Alors du coup, je pense que j'ai dû bafouiller « bravo, bienvenue », je sais pas trop. En tout cas, un truc comme ça, et puis après, c'était fini, quoi. Bon, moi, je pense que j'ai quand même... Enfin, je me rappelle que j'ai beaucoup, beaucoup pleuré après. Mais surtout que je pense quand même souvent à elle. Enfin, en tout cas, vraiment, plusieurs fois. Dans la vie, dans l'année, je pense à elle. Et je me rappelle qu'elle a sauvé son bateau et son équipage parce qu'elle était hyper calme et hyper préparée. Et que ça me fait me dire que j'ai quand même vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur elle ce jour-là. Que son équipage a eu énormément de chance de tomber sur elle. Et que je suis hyper heureuse qu'elle existe aujourd'hui et que des gens aient de la chance de pouvoir encore la rencontrer. Là, je parle d'une permanence téléphonique que j'ai prise pendant le meeting de Berlin, donc à l'automne 2020. Et on était trois, je crois, à prendre ce shift à partir de 7h du matin. Et donc, on est arrivé à 6h du matin dans l'endroit où il y avait la salle pour prendre des shifts. Et là, il y avait tout un problème de pas d'Internet, de problème de téléphone. Donc, on a commencé à essayer d'appeler des amis, des colocs, des gens de la famille qui pourraient peut-être nous aider en appelant des personnes qui étaient sur le bateau le temps qu'on arrive à régler nos problèmes téléphoniques. Et ensuite, on était trop stressés de se rendre compte que c'était pas possible de faire les shifts dans cette salle. Donc là, on a commencé à sortir à l'autre bout du camp où on était pour réussir à avoir un meilleur réseau avec des personnes qui nous aidaient à trouver les câbles, les multiprises assez longues, etc. Et là, on a commencé à s'installer dehors avec une table, à essayer de trouver un coin de soleil parce qu'il faisait hyper froid. Et on était dans un endroit où il y avait aussi des gens qui vivaient et qui, du coup, passaient et comprenaient, je pense, pas du tout qu'est-ce qu'on foutait là avec tous les ordis dans le froid. Enfin, c'était quand même assez irréel. Il y avait un moment où du coup on fumait des clopes et en fait il n'y avait pas le droit de fumer des cigarettes à cet endroit-là et nous on était juste, on ne savait pas comment faire une shift sans fumer de clopes, ça c'était drôle aussi. Et du coup là on a commencé, il y avait plusieurs cas dont je me rappelle au moins un cas en Méditerranée centrale et ce qui était génial c'était vraiment que d'habitude, on travaille en shift avec beaucoup de personnes du réseau. Donc, par exemple, dans les cas en Méditerranée centrale, il y a une équipe en fait, qui est là pour nous conseiller, pour nous soutenir un petit peu dans les décisions qu'on prend, qui relise les mails pour voir s'il n'y a pas d'erreur, etc., vu la complexité de ces situations. Et là, il y avait tout plein de ces personnes qui étaient présentes avec nous, qui nous ramenaient du café, qui regardaient les mails en direct. On n'avait plus besoin de communiquer par signal ou par d'autres intermédiaires. Il y avait une personne qui était là et qui faisait l'interprétariat en arabe et du coup qui nous disait directement ce que les personnes avaient dit. Il y avait quelqu'un qui était là sur l'équipe des réseaux sociaux, donc qui était là pour tweeter en même temps, etc. Et du coup, il y avait comme ça, on était une équipe de shift avec juste toutes les personnes dont on a besoin d'habitude de travailler ensemble. Et c'était hyper beau. Et ça donnait trop envie de juste faire les shifts comme ça, d'être là, tous et toutes présents. Ouais, je sais pas, c'était hyper beau, le fait que c'était une shift hyper stressante avec des conditions vraiment pourries, quoi. Et qu'on a réussi à le faire parce qu'on était collectivement vachement plus forts. Un souvenir qui a été assez marquant, une permanence de nuit l'été dernier où je suivais un bateau avec des personnes qui étaient vraiment épuisées après plusieurs jours en mer. Et ces personnes étaient proches des eaux libyennes, donc on avait vraiment peur. Il y avait cette angoisse que les gardes-côtes libyens puissent intercepter ces personnes et les ramener en détention. Et donc, j'étais en communication régulière avec ce bateau pour qu'ils me disent qu'est-ce qui se passait autour d'eux. Et on avait vraiment cette angoisse que les Libyens arrivent en premier. Et à un moment, ils m'ont appelé en me disant « il y a un bateau qui approche ». Et je leur ai demandé de me décrire ce bateau. Et là, la personne s'est exclamée « mais it's pink, le bateau est rose ». Et c'est là qu'on s'est rendu compte que c'était... C'était le bateau du Louise Michel et que ces personnes allaient être secourues et ramenées en Europe. The story I want to tell, it happened in Marseille in 2019. L'histoire que je veux raconter s'est passée au meeting de Marseille en 2019. Depuis longtemps, dans l'équipe de Manchester, on écoute ces albums, Ouvrez les frontières et un truc qui s'appelle Bozo Tracks. And I turn up in Marseille and there's this guy in the corner just strumming his guitar. Et j'arrive à Marseille et il y a ce type dans un coin qui est là à gratter sa guitare. Et il se trouve que c'est ce gars, Hello, qu'on regardait sur YouTube et qui chantait Yonui My Way. Et il a commencé à jouer la chanson et là j'étais en mode groupie totale, comme on dit, où j'étais genre « Oh mon Dieu, on adore cette chanson, s'il te plaît, joue-la toute la journée ». And then at the party, et donc on devient potes, c'est très chouette. Really, et puis à la soirée de fête, on passe de très très bons moments. Mullet, on pourrait dire qu'on était un peu pompettes. And we walk through the streets in et on se promène dans les rues de Marseille. And, Hello et Hello est là devant guitar, à jouer de sa guitare. Et tout le monde danse et chante les paroles avec lui. It was super cool, c'était juste super. Voilà, Chronique amère, c'est fini pour aujourd'hui. C'était important pour nous de faire cet épisode, parce que les frontières se durcissent chaque jour et tuent toujours plus. Parce que les États continuent d'utiliser le Covid pour empêcher les déplacements. Parce que dans nos luttes, c'est parfois difficile de trouver du sens et de tenir bon. Alors, prendre le temps de se raconter de belles histoires permet de nourrir nos élans, nos envies, nos combats. Des histoires, heureusement, on en a encore plein. On n'a pas pu toutes les partager dans cet épisode, mais on continuera dans les prochains. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu cette chronique possible. Merci à celles qui ont raconté, qui ont retranscrit, qui ont traduit, qui ont enregistré. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont fait des retours, qui ont diffusé, qui ont participé. Merci à celles et ceux qui se déplacent et qui luttent pour que d'autres puissent se déplacer. Vous pouvez réécouter cette chronique sur le site de Jet FM et sur celui de l'Alarmphone. Vous pouvez aussi la partager avec vos proches et la diffuser à l'infini. Pour en savoir plus sur Alarmphone et les traversées des frontières maritimes de l'Europe, vous pouvez aussi consulter le site Watch the Med ou celui d'Alarmphone. Et rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Chronique amère. D'ici là, main sur le cœur et point levé. Le tri pour les mots, faut des oreilles et des silences de plomb comme des balles dans le thorax. Il faut du temps pour digérer, pour penser à faire de beaux rêves. Y'a des moments éviscérés qui font des trous sous la noac. Y'a des virgules au bord du gouffre, des plongeoires au bout des nerfs, une corde enroulée dans le coffre, des rêves parqués dans le container. Y'a des hauts, y'a des bas. Un être humain c'est fragile. docteur. C'est comme Flic ou Pidas, ça a le droit d'être violent. Une boîte crânienne, c'est un monde, et parfois ce monde-là nous dépasse. Y'a la prison et l'hosto, l'état s'accorde les violons. Si tu gênes trop, il t'efface. Derrière chaque chute, y'a la machine, ses experts et ses petites mains. Et y'a ces vies qui me traversent, y'a ces gueules. Leurs histoires, c'est la mienne, elles font partie de moi. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos failles, nos rancunes, nos caresses. Avec nos manques, nos courages, nos paresses. On se tient en caboche, cabossé entre escadre et la carlingue. Comme on peut. On se parle. Comme on peut. On s'épaule. Comme on peut. On s'équipe. Comme on veut. Diagnostic collé sur la tempe. Jugement dernier, tertian diazépine. En perdre la rythmique d'une vie cadrée sur ordonnance. Une cage en scène, un cas en berne. Une cale sous la chaise pour pas briller de l'autre côté de la planche. Plage de néoprène qui colle au chair et enivre. Comme un semblant d'impression d'être des vôtres. Le scanographe du grand complot n'aura pas eu raison de moi. La caméra pointée sur nos tronches. Les pompes qui traînent à côté de votre marche à suivre. Et le prompteur qui freine le délire. Une stratégie pour en sortir. À coup de masse, avec élan, non sans trace. On a brisé ma fiction, braillant pragmatisme. Et pour que stasse mes ambitions, m'a jugé, cloué au parquet pour éviter de nuire. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos failles, nos rancunes, nos caresses. Avec nos manques, nos courages, nos paresses. On se tient en caboche, cabossé entre escadre et la carlingue. Comme on peut, c'est pour là. Comme on peut, on se parle. Comme on peut, c'est qui? Comme on peut. Ce monde y met à l'envers quand la fatigue prend le dessus dans ma tête. Pour le cafard, c'est open bar. Et ce bâtard, c'est détourner la colère au bout de quelques verres. Jette la raison à la mer. Je me raconte pas que je suis à l'abri. Je crois qu'on peut tous se cracher. Ouais, j'ai pas ton merci d'être là. V'là la force que vous me filez sur le trajet. Dehors, c'est police partout, partout l'HP. Ils ont même plus besoin des murs pour nous enfermer. Les diagnostics contaminent le vocabulaire. Pareil qu'on dit plus bizarre, on dit bipolaire. L'épidémie psychiatrique passe son plein. Le pharmacien fait son blé, le policier va pas s'en plaindre. En vrai, je suis démuni devant un pote que son délire emmène trop loin. Face à matraque et tranxène, je veux bien apprendre à prendre soin. À bord, quand y'a ta vrille qui remet le couvert. J'ai trop souvent baissé les stores de peur de vivre avec ta dérive. Cette barre au bide qu'on faut te parler à cœur ouvert. T'as vu? Sous le soleil y'a rien qui brille. Je voudrais foncer ce mur qui nous sépare à tort. De grandir mes entrailles, rencontrer tes failles. T'emmener faire un tour sur mon dance floor. Y'a cette peur au ventre qui me cristallise. Ils ont sanglé les déviances, les ont marqués au fer rouge. Alors ce qui nous reste, c'est que leur rage. Les divisions de l'armée blanche veulent shooter tout ce qui bouge. Faudra pas s'étonner si ça dérape. Puis y'a ces tronches qui me sortent du noir. Avant que le courage n'expire, que le cœur ne claque la porte. On a les coudes qui se resserrent, c'est la force qu'on transpire. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos failles, nos rancunes, nos caresses. Avec nos manques, nos courages, nos paresses. On se tient en caboche, cabossé entre escadrilles et la carlingue. Comme on peut, on s'épaule. Comme on peut, on se parle. Comme on peut, on s'équipe. Comme on peut. Avec nos failles, nos lacunes, nos carences. Avec nos failles, nos rancunes, nos caresses. Avec nos manques, nos courages, nos paresses. On se tient en caboche, cabossé entre escadrilles et la carlingue. Comme on peut, on se parle. Comme on peut, on s'épaule. Comme on peut, on s'équipe. Comme on veut. On vient donc d'écouter NRBC, Nos rêves au bord de crever, avec la chanson Comme on peut, dans l'émission Comme un ouragan sur Radio Audio 89.5. On est de retour en direct. Et du coup, cette émission, elle voulait parler de ce qui nous donnait de la force. Et nous, moi en tout cas, dans les dernières semaines, là, il y a un truc qui m'a donné de la force, c'est un spectacle. Moi aussi. Qu'on a été voir à Annonay, au moins trois personnes de comme un ouragan. Et c'est un spectacle fait par trois PD qui s'appelle Portrait détaillé. Et ça fait PD. Portrait détaillé, ça fait PD. Et ce soir, on a que Lu dans les studios qui participe à ce spectacle. Du coup, je ne sais pas si tu as envie de nous le présenter un peu. Mm-hmm. Eh bien, Portrait détaillé, c'est un spectacle qui a eu plein de formes, qui a été créé par Lucien Fradin, qui habite à Lille. Et du coup, il a fait un peu plein de formes différentes. Un des points de départ, c'était qu'il a récupéré un carton de lettres qui avait été reçu par un monsieur dans les années 70, il me semble, qui avait mis une annonce dans le Gay International. Et du coup, il avait reçu plein de lettres et Lucien a récupéré ce carton. Et du coup, c'est un peu parti de ça. Et après, il a essayé de mélanger ça avec plein de vécus de PD qu'il a rencontré sur ses tournées de spectacle et tout ça. Et puis à la fin, il nous a proposé avec une autre personne qui s'appelle Pablo de faire un spectacle à trois autour de ça, des PD. Du coup, c'est un spectacle qui mélange un peu la lecture de lettres, de la musique. Du coup, vous avez écrit des chansons pour ce spectacle et vous parlez aussi de vos vécus de PD. Ouais, l'écriture de chansons, c'était un peu un truc important. Justement, dans ce truc de se donner de la force, c'est qu'il y avait... quand on a commencé à bosser, on a cherché un peu des chansons qui parlaient du fait d'être PD, d'un point de vue PD, et qui soient un peu joyeuses, et il n'y en avait pas trop. C'était un peu déprimant. Et du coup, il y avait un peu cette envie-là d'écrire des trucs qui donnent la pêche. Et du coup, ouais, vous avez écrit ces chansons à trois et... Ouais, c'est pas mal. Lucien qui a un peu écrit les textes et puis après on a retravaillé ensemble et moi j'ai fait la musique. Moi, ce que j'ai aimé dans ce spectacle, c'est le mélange, je crois, entre les réponses à ces petites annonces qui sont parfois décalées à nos vécus de PD d'aujourd'hui, mais le mélange aussi avec vos vécus et d'autres témoignages qui sont ajoutés de PD avec des vécus différents. Des PD cis, des PD trans, d'âge différent, tout ça. Et du coup, je trouve que c'est hyper facile de trouver un truc pour se raccrocher à son vécu personnel. Là. Et je trouve que c'est pas évident en tant que PD de trouver des images et tout ça. Et du coup, moi, ça, je crois que c'est ça qui m'a donné de la force. Je sais pas si... Moi aussi, je... Comme j'ai vu le spectacle et j'ai trouvé ça super touchant parce que je trouve que ça faisait un peu comme avoir plein de journaux intimes. Comme on a vu là derrière sur les vidéos proches, il y avait des témoignages quand tu as dit des plans de PD différents qui se nomment différemment aussi. Et moi, ça m'a beaucoup touchée ou fait pleurer finalement. Parce que je trouve que c'est un truc super intime. Et de le partager avec d'autres personnes parce que ça te touche à des endroits personnels. Bon, même si je ne suis pas PD, mais je veux dire comme Gwyn et aussi truc, comment je me définis, qu'est-ce que ça fait et toutes les choses. Et c'était super touchant. Et voilà, et dans un truc, ça donne la force de voir en fait les gens qui prennent la parole, qui se mettent sur scène, qui crient en fait un peu « Je suis PD et je suis fière d'être PD !» Et c'était trop trop beau. Et nous, on aimerait que plein de gens voient ce spectacle, du coup, je ne sais pas si vous avez des dates prévues ou pas. Pour l'instant, on a une date de prévue en décembre, il me semble. Mais ça va être plutôt dans le Nord-Pas-de-Calais parce que du coup c'est plutôt dans ce coin-là qu'a été créé le spectacle. Mais après l'idée c'est de le tourner un peu partout et du coup invitez-nous. Ouais, oui. Et il y a aussi un livre. Ouais, ouais. Lucien il a aussi fait un livre qui mélange des témoignages un peu de sa vie à lui et les lettres aussi qui sont dans le spectacle et d'autres encore parce qu'il y en a une centaine du coup elles sont pas toutes dans le spectacle mais... Et le livre s'appelle aussi Portrait détaillé. Voilà. Moi, je trouve ça vaut le coup et d'inviter le spectacle à Saint-Étienne et aussi de faire un bus qui va dans le Nord-Pas-de-Calais pour aller le voir, tellement il est bien. Ben, on peut peut-être écouter un petit extrait du spectacle. Ça fait péder la boucle d'oreille, ça fait péder les sourcils épilés, ça fait péder le maquillage, ça fait péder les jupes, ça fait péder sur un garçon, ça fait péder. Dans ma famille, je n'ai pas eu de modèle gay. Ni papa, ni tonton, ni grand-père. Tous hétéros. Un cousin du côté de ma mère partage avec moi un certain goût pour les garçons. Mais ça, je ne l'ai su que plus tard, et il était trop loin et trop tard pour avoir le temps de m'en parler, de m'aiguiller. J'aurais tellement aimé trouver le carton de lettres plus tôt. Alors comment on apprend à faire, à être, à rencontrer quand on ne peut pas copier sur les autres? Heureusement, il y a les daddies, ou assimilés, on pourrait dire aussi nos grands frères, ou juste nos copains plus âgés, ceux de la communauté qui en savent un peu plus. Le tout premier que j'ai rencontré avait pris des préservatifs et m'a, en quelques mots, transmis un tas d'informations sur les relations sexuelles entre garçons. Parce qu'en SVT, même si j'avais très bien écouté le corps sur les organes reproducteurs, les maladies sexuellement transmissibles et la contraception, je n'ai rien appris sur le désir, le consentement ou même les pratiques sexuelles. Julianne a partagé sa garde-robe avec moi, me donnant plus de légitimité dans les barguets que lorsque je portais mes baggies kaki troués ou mes t-shirts à motifs ethniques. Sébastien m'a fait rencontrer les folles de la nuit, les drag queens, celles et ceux qui connaissent tous les cocktails, tous les glorioles, tous les endroits qui craignent et tous les bons plans de sortie. Il m'a aussi montré comment draguer en voiture sur l'esplanade du Jardin Vauban à Lille. Yann m'a montré la tendresse que l'on pouvait mettre dans des jeux sexuels hard, et fait découvrir le pouvoir de la prostate, les meilleures positions pour la trouver. Bruno m'a appris l'importance de la mémoire, de l'histoire de notre communauté et la beauté des archives. Tout n'est pas toujours à recommencer. Nos prédécesseurs ont déjà inventé de splendides façons d'être au monde. Romain m'a donné des clés pour créer des relations libres, mais pas destructrices, pour prendre soin des peurs de l'autre, du sentiment d'abandon ou d'indifférence. Alberto m'a enseigné, par la pratique, comment et pourquoi être une folle, un peu partout, un peu tout le temps. Vernis, ça fait péder les crop tops, ça fait péder les sockets, ça fait péder la boucle d'oreille, ça fait péder les sourcils épilés, ça fait péder le maquillage, ça fait péder les jupes, ça fait péder sur un garçon, ça fait péder. Bon, avant que je continue, je me demandais si vous voulez dire encore d'autres choses sur le spectacle ou j'ai pas, parce que comme moi, ça va être, c'est pas décalé, parce que j'écris un petit truc sur qu'est-ce qui me donne la force, mais comme là, on a écouté le petit montage, est-ce que vous voulez rajouter des trucs ou voilà. Bah, moi, les choses que j'avais à dire, elles ont déjà été dites, mais je peux le redire parce que c'est chouette. Mais du coup, d'avoir des témoignages, que ce soit récents ou par lettre, c'était hyper émouvant. Et je trouve que le spectacle, il présente ça dans un truc voilà, qui touche beaucoup et qui donne de la force, même si ça peut faire pleurer. Voilà, le petit truc à côté, c'est que ça faisait hyper longtemps que j'avais pas vu de spectacle. Voilà. Et c'était trop bien de reprendre avec un spectacle avec lequel je peux partager plus de choses que d'autres spectacles que j'ai pu voir dans ma vie. Et ça m'a beaucoup fait rire dans la forme et dans le fond aussi parfois. Voilà, le rire, c'est important, je trouve. Moi, j'ai juste envie de dire merci pour ce spectacle parce que je crois qu'il m'a bouleversé. Bon, voilà. 4. Alors, je ne vais pas parler comme ça. J'ai écrit un petit texte quand on a choisi notre thème et je vais vous lire cet petit texte. Si je réfléchis à quoi qui me donne la force, j'ai envie de parler de la non-mixité choisie et beaucoup dans le domaine de la bricolage. Comme j'ai bossé pendant beaucoup des années dans l'agriculture et la maraîchage, j'étais habituée à travailler avec des gars, des paysans, des contrôleurs, des mécaniciennes. Comme j'ai toujours bossé sur des fermes et alors aussi beaucoup vécu à la campagne, j'ai toujours beaucoup bricolé dans ma vie. Réparer les tracteurs, bricoler des étagères, des établis, réparer des outils, réparer des toits qui fuient, faire la tronçonneuse, etc. Et en majorité, c'était avec des mecs cis que je faisais ça. Alors, mon manière pour trouver ma place, c'était un peu de jouer le gros gars qui savent tout faire, qui ne doute pas. Pour que je trouve ma place, pour qu'on me laisse faire. Et ça m'a allé. En tout cas, je croyais ça pendant longtemps. Mais aussi, se jouer toujours des enjeux de la concurrence. De qui savent faire de mieux et d'avoir toujours donné l'impression que je sais faire tout super bien et que je ne doute pas du tout de moi. Jamais. Et après beaucoup des années, j'ai participé à mon premier chantier collectif en non-mixité Meuf Queen Trans. C'était le CSU chantier. C'est des chantiers de 2 semaines pour faire des grands chantiers de construction sur des lieux queer féministes. C'était à peu près avant 8 ans. Alors ça fait pas si longtemps. Et ça m'a changé la vie. De voir comment ça m'a détendue. J'ai eu la confiance de demander aux autres quand je ne savais pas faire. D'avoir beaucoup, moi, un sentiment de concurrence. Et j'ai trouvé ça génial. Après, je faisais de plus en plus de choses en non-mixité choisie, aussi dans d'autres endroits dans ma vie. La fête, des luttes, des discussions, des rencontres radio, etc. Et chaque fois, ça m'a donné beaucoup de la force pour sentir ma place d'entre d'autres, de me sentir respectée, aimée. Qu'on m'écoute et qu'on partage beaucoup de choses, des vécus, des discriminations, mais aussi de se donner la force et de la confiance et de la joie. Et je trouve ça important de se rappeler que c'est un truc qui n'existait pas depuis toujours, mais qui a été construit pour se donner la force et que c'est important de le continuer et de le réfléchir aussi toujours à nouveau pour que ça reste des endroits où on se donne la force. Thank you. Alors, c'était nommé, ce ma disque dur, c'était nommé comme guitare pour danser. Je refuse de savoir de qui c'est vraiment, parce que sinon, je crois que je n'aurais pas vraiment diffusé cette soirée. Alors, c'était guitare pour danser. Et on revient dans le studio en discussion directe. Du coup, moi, je vais parler un petit peu de... Pardon, de choses qui peuvent me donner de la force. C'est surtout un truc auquel je me suis mis à réfléchir depuis environ 3 ans, en fait. Parce qu'avant, je pense que la force, l'élan vital, tout ça, globalement, je l'avais, sans m'en rendre compte. Je pense que c'était un truc... J'avais même pas réfléchi à ça, voilà. Et puis il y a eu ce moment un peu de dégringolade et d'événements de vie qui fait que, bah, en fait, la base de vie, c'est plutôt ça va pas, des gros moments de tristesse, l'envie de rien, tout ça. Et que, on n'a pas forcément envie, de rester dans cet état. Enfin, on a plutôt envie de... trouver des choses qui font qu'on va vers du mieux, que c'est un taf en tout cas. Enfin, je me suis rendu compte de ça en tout cas avec ces événements de vie. Et du coup, y a un peu des choses dans lesquelles j'essaie de trouver de la force dans des petites choses du quotidien, des petits mots, des messages, des sourires dans la rue, de faire un repas avec une copine ou un copain, de danser. Par exemple, danser beaucoup à plusieurs ou seul. Et dans les choses un peu de construction plus collective, tout ce qui est organiser des choses à plusieurs dans une même communauté ou pas forcément. D'aller à des rencontres, de faire des journées ou des heures d'autodéfense féministe aussi. C'est des choses qui peuvent... Mais dans cette réflexion par rapport à la force, je me disais aussi que c'était un taf de trouver des choses pour donner de la force et de l'élan, mais que c'était aussi un taf d'essayer de l'entretenir et de le garder. Et ça, pour l'instant, j'ai pas de grande réponse. Je suis toujours en recherche, comme je pense plein de gens. Et que, voilà, ça peut, je me disais, voilà, toutes ces choses... On les fait pour nous, pour les autres, que ce soit pour ou changer le monde ou juste pour survivre dans celui-là. Et que j'espère trouver des nouvelles choses et continuer à avoir la force. Voilà. Et du coup, moi, je voulais vous faire écouter une chanson qui s'appelle « Trustful Hands ». Du groupe The Do, parce que je trouve que ce morceau, il ressemble un peu bien aux montagnes russes de la vie. Et que ce qu'il dit, c'est que quand ça va pas, quand c'est un peu le chaos autour, et ça aide de se retrouver auprès des gens en qui on a confiance et d'avoir des personnes qui peuvent un peu nous récupérer et nous aider à reprendre aussi l'élan. Et vous êtes toujours sur le 895, comme on dit à Radio Duo. Est-ce que quelque part ça donne pas de la force de dire le 895? Être à Radio Duo, ça nous donne de la force. Ah, tout ouais, à fait, carrément. Être ce soir dans le studio, ça donne de la force. C'est aussi, vrai, tout même, à fait. Là, on est pas mal parce que il y a nous en studio, il y a les camarades invités sur le plateau en direct qui parlent ou qui parlent pas, il y a les camarades en technique qui apprennent un peu, enfin tout ça. Peut-être même il y a des camarades qui écoutent le 895, on ne sait pas. On espère, et on espère qu'on leur donne de la force en nous écoutant. Alors du coup, comme un ouragan, on a un crew, du coup quand on décide un thème d'émission, on essaye plus ou moins de s'y coller et de réfléchir sur le thème. Moi il se trouve que j'y ai réfléchi hier à un moment où j'étais pas au maximum de ma force. Du coup dans ces moments-là, je me suis dit bon, faut écrire un truc. Parce que je me disais que si je partais un petit peu en live direct, je ne savais pas du tout où ça emmènerait. Du coup, je vais vous lire ce que j'ai écrit hier. Voilà. Comme une pensée récurrente, des souvenirs et des marques. Des vagues, petites, que je vois venir. Des vagues trop grosses, faire le canard. Samuel et d'autres m'ont appris à regarder et presque savoir surfer. Ma force, depuis tes mots, d'il y a longtemps, et que je réentends à chaque fois que l'idée de force et de réussite me serre de peur le ventre. Alors, réécouter tes mots. Regarde les vagues. Tu les connais. Laisse-les venir. Je te connais. Et je suis là. Merci. Merci. Voilà. ouais, je pense en vrai que j'essaye de parler des moments un peu où... mais aussi dans cette émission là, moi ça me donne un peu débit pour réfléchir à qu'est-ce qui nous donne de la force, et que moi j'ai l'impression que c'est à la fois un peu ce truc de la force et la faiblesse en même temps, c'est que c'est les voix collectives et les voix qui s'entremêlent et le partage de vécu qui et le fait de savoir se regarder et se soutenir et s'épauler sur des vécus différents, des en tout cas d'être vraiment dans ce partage du regard et du et d'envie d'être ensemble là et de pas se laisser tomber quiconque soit, et qu'en même temps ça donne beaucoup de force. Enfin, moi je pense que là quand j'ai entendu le témoignage là sur portrait détaillé, ça m'a fait monter beaucoup d'émotions. Je pense que j'aime beaucoup ça là quand il y a beaucoup de voix qui se mêlent, beaucoup d'histoires de transmission. Bien évidemment aussi les témoignages dans Chronique Amère, et qu'en même temps c'est aussi ça que des fois je trouve que des fois ça fait des sentiments où on se perd un peu là dans ces respirations et quelque part aussi la violence du monde et la violence qu'on a nous à l'intérieur de nous. Et je crois que là j'avais envie de parler que ma force je la tire de des fois de certaines personnes là qui m'ont rattrapé et qui étaient très humbles et très présentes à dire hey, tu peux laisser filer et moi je serai ton épaule à ce moment-là. Moi je crois que ça me parle beaucoup à plein de moments. Je crois que c'est pas toujours facile, mais c'est important d'accepter le fait qu'en fait la force on la trouve pas en nous, mais on la trouve dans les gens autour de nous qui vont nous aider à dans des moments où ça va pas, et ben par des tout petits trucs, mais genre un café, passer un peu de temps ensemble ou une discussion, ben en fait nous faire que ben ça aide à remonter un peu la pente quoi. Ben ouais, puis ouais, moi ça me fait penser à ce à quoi je pensais quand il fallait réfléchir au sujet de se donner de la force. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui me travaille grave dans la vie, c'est la notion d'impuissance et que les endroits les moments auxquels je pense qu'ils m'ont donné de la force, ça a toujours été des endroits où j'ai senti que l'impuissance, elle se faisait un peu défoncer par des trucs collectifs qui avaient l'air de dire on va pas se lâcher. Et même si ça pique, et même si des fois c'est... on sait pas si on se tire vers le haut ou vers le bas, des moments aussi, parce que des moments juste plus personne a de force, et en fait on a le droit aussi. Mais je sais pas, quand je me balade dans Synthé, des fois j'ai un peu envie de faire une carte de plein de souvenirs, de plein d'endroits où il y a des super souvenirs trop beaux de moments où, qui sont durs, et où en fait tout à coup il y a des potes et tout à coup ça donne vraiment plein de force. Et je sais pas, ça me fait penser à plein d'anecdotes de trucs vécus à Synthé, quoi, de moments où c'est la merde et tout à coup il y a des gens que tu vois arriver et qui sont pas forcément des gens hyper proches en plus, mais juste tout à coup c'est un peu super beau. Et entre autres, il y a eu quand même l'année qui vient de passer à Synthé, qui n'était pas simple parce qu'on a perdu un pote au début de l'année passée, et que j'ai l'impression que ça a fait qu'il y a plein de têtes qui se sont montrées pour dire on est là et on se lâche pas, même si on se voit pas tous les jours, et ça donne grave de la force. Et justement, moi aussi, la chanson que j'avais envie qu'on écoute, c'est un peu dur de choisir les musiques là qui donnent de la force, parce que comme on se disait avec le crew en préparation de l'émission, c'est que en fait rien que d'écouter de la musique et de danser, ça donne de la force. Et moi je pense là celle que j'ai envie de partager, c'est juste une chanson qui me rappelle des moments de rencontre, et c'est ça aussi un peu des moments inattendus où il y a des gens qui sont là et que ça fait du bien. Et qui est en plus, c'est une chanson, je crois, qui plaît à notre stagiaire technicien. Hein, du coup, c'est super. Du coup, on peut s'écouter Niagara, Tandis ou Pendant que les champs brûlent. Accroché aux branches, l'air me sent. On arrive vers la fin de l'émission, je crois. Tout à fait. Ouais. Du coup, on se retrouve dans 15 jours. Le 9 novembre. Le 9 novembre à 21h sur Radio Dio 895. Le fameux 895. Peut-être pour parler d'Actis, mais pas sûr. On verra. Sinon, ça sera dans une prochaine émission. Et ben, on va se quitter avec moi un autre moment qui m'a donné beaucoup de force. Parce que c'était l'année dernière, le 31 décembre, en plein couvre-feu. Et ben, on avait monté une petite radio pirate là à Brest pour la journée et la soirée. Et en plein milieu de cette journée, on a fait aussi, comme tous les ans, on est parti en manif sauvage pour aller faire un feu d'artifice à la tôle. Et moi, je crois que c'est ces moments qui d'aller donner de la force à des personnes qui sont enfermées, et ben, et à plein là, ça me donne beaucoup de force et ça me, je sais pas, ça me donne confiance aussi dans ce qu'on est capable de faire ensemble. Entre camarades, proches, potes, tout ça. Du coup, j'avais envie de vous diffuser un petit montage de ce moment-là, de ce moment d'Étincelle FM, qu'elle s'appelait cette radio pirate. Comment ? Étincelle FM. Ah. Ouais. Ouais. Et du coup, ça sera un peu le dernier montage pour se dire au revoir, en fait. Ouais, c'est ça. C'est pour se dire au revoir et puis il y aura quand même une petite musique pour finir de Bikini Kill qui s'appelle I Like Fucking. Parce que aussi le sexe, moi ça me donne de la force. Et on se retrouve dans 15 jours du coup. Yes, alors bonne soirée. Et merci encore de... bonne écoute pour ce montage et la chanson après. Salut, c'est Eva et ce soir, les étincelles sont à Brest. Regarde les gratte-ciels. Lumière brille dans le ciel, je vois des étincelles, je vois des étincelles. Étoiles brillent dans la nuit, on dirait des diamants. On est de retour en direct sur Étincelle FM 96.0 et Radio des Confins. On avoue, on vous avait laissé un peu avec des rediffs d'émissions parce qu'on était parti faire notre petite balade annuelle à l'Ermitage, la tôle de Brest. Voilà, du coup, on est de retour et bah, c'était plutôt chouette. Ouais, c'était très très bien. Voilà, petite balade annuelle. Donc chaque année, bah, on essaye de penser le 31 décembre particulièrement, mais en fait, ça pourrait se faire tous les jours de l'année à celles et ceux qui sont à l'intérieur et à faire un petit peu de bruit et de lumière. Tu peux nous dire ce qu'il y a sur la banderole ? Que le feu couvre Macron et compagnie. Okay. Feu couvre, couvre-feu, c'est pas mal. Tu peux nous expliquer où on est là ? On est à côté de la prison de Brest, l'Ermitage. C'est une maison d'arrêt et là on a une banderole mais qui est vraiment magnifique parce que les écritures sont lumineuses. C'est plein de petites lettres de lumière. Où il y a écrit du coup que le feu couvre Macron et compagnie. Et on a fait plein de pétards et des feux d'artifice. Et je suis trop contente parce que d'habitude on vient à minuit. Mais là c'est comme s'ils nous attendaient déjà les détenus. Et il y avait déjà plein de gens aux fenêtres. Et quand on est arrivé, on n'avait même pas encore fait de pétards qu'ils ont crié « Ouais !» C'est okay, trop cool. Parce que là il est 18h environ. C'est ça. Et ouais. La nuit commence tout juste à arriver. Libérez tous les prisonniers. On garde l'étincelle pour le final. 96 MHz.